Quand il est 3h du matin sur une bouteille, c'est jamais bon signe. Pardonnez-moi. Jette le bouchon, je prends cette pute à deux mains. J'attends qu'un commun me bénisse, pisse sur les lueurs du matin. 300 mois que j'attends l'ambulance, regarde ce schlag marcher. V'là la citerne ambulante, décadent comme Phil Spector. J'parle à mon frère, fils de putain, j'traîne pas dehors. J'pris en direction de BX, Néo mon sauveur. J'peux plus compter ses sacrifices, la main tendue dans les abysses. J'étais à poil, pas un habit, à part ma lame, pas un ami. À part l'alcool, pas un ami. 5 heures de sommeil toutes les nuits, j'me réveille tarté comme Shelby. J'parle au calibre, je deviens fou. Enfermez-moi avant qu'un 11 j'aille exploser des tours. J'vide un chargeur, pas dans la cible, j'fais un sourire. J'sors une dague, là j'me sens prêt pour ouvrir. J'ai trop couru, trop donné mon cul. Que même les points de suture ne fermeraient pas la plaie. J'suis comme si ça j'le fais à perte, à la gueule devant la plaie. Là tu te fais battre par un queer, même sur lesquels vous pissez toute l'année. Ça a pris ma bite pour un toy, j'les déteste comme les tchoy. Heureusement c'est pas un Kubrick la vie, j'aurais tué ces. J'encule ces merdes bébé Yafoy. Gomme coin crash ses gogoles. Range ton Glock en plastique, tu me tires dessus, je mastique. Ici y'a rien de fantastique, le F malaxe, le mastic. Il vous faut combien de rimes de trou de balle comme ça là? 4h le matin, j'ai passé les 3:33. Qui va m'arrêter, hein? Bande de trous du cul. Le reflet sur le verre de la piste, c'est ça le revers de la vie. 13 ans dans un fort galaxy, le mot m'écarte ses cuisses. Tu t'étonnes de quoi, petite putain? Bah bien sûr que c'est cuit. Venez sauter mon crâne, j'ai pas les coups de le faire. Le vent souffle fort ce soir, c'est les genoux qui me chantent des airs. Veulent mon âme pour le dessert, j'tends ma bite et un chargeur. Souris en serrant les molaires, là j'fais honte à Molière. 15 000 euros le mois, ça y est, j'fais la fierté de ma mère. Le salaire d'un méchant cabinet, avant ça crois-moi que j'ai bidé. Et que des substances j'en ai laissé dans les WC, dans les bidets. V'là la crasse sur mon épiderme, qui peut me salir maintenant? À part le diable et ses ficelles, le jour se lève, j'ai fait deux pissettes. J'en ai fait deux. Et je vois que dalle à part la mort comme épuisant. Je me bats contre moi, c'est épuisant. Et ça, ça date. Ça remonte. Depuis l'époque de la pêche à l'épuisette. Trop mon baiser, ils étaient plusieurs. Ça a tellement gag ma srotte, à la fin j'avais plus d'air. Je pourrais continuer ça des heures, mais l'auditeur je déçois. Il préfère quand je raconte de la merde. Ça fait 5 ans je vous raconte ma vie. Je l'ai romancée, je suis passé par tous les chemins. Aujourd'hui elle est crue, elle sort telle qu'elle. Acceptez-moi pas, j'ai plus grand chose à perdre.